Chapitre 17e. L'Odyssée du cardinal de Ré, l'Espagne, l'Italie. Je connaissais assez la cour de Rome pour savoir que le poste d'un réfugié et d'un suppliant n'y est pas agréable. Et mon cœur, qui était piqué au jeu contre M. le cardinal Mazarin, était plein de mouvements qui m'eussent porté, avec plus de gaieté, dans les lieux où j'eusse pu donner un champ plus libre à mes ressentiments. Je n'ignorais pas que je ne pouvais pas espérer de M. le duc de Noirmoutier tout ce qui me conviendrait peut-être dans les suites, mais je n'ignorais pas non plus qu'étant le maître dans Mézières, comme je l'y étais, et m'y rendant en personne, il n'était pas impossible que je n'engageasse M. de Noirmoutier, qui enfin gardait les apparences avec moi et qui même, aussitôt qu'il eut appris ma liberté, m'avait dépêché un gentilhomme avec le vicomte de Lamette pour m'offrir retraite dans leur place. Mes amis ne doutaient pas que je ne la trouvasse, et même très sûre, dans Mézières. Ils craignaient qu'elle ne fût pas de la même nature dans Charleville, et comme la situation de ces places fait que l'une sans l'autre n'est pas fort considérable, ils crurent que, vu la disposition de M. de Noirmoutier, je ferais mieux de n'y faire aucun fondement pour ma retraite. Je répète encore ici ce que j'ai déjà dit, que je ne sais s'il n'y eut pas lieu de mieux espérer, non pas de la bonne intention de Noirmoutier, mais de l'état où il se fût trouvé lui-même. Le conseil de mes amis l'emporta sur mes vues. Ils me représentèrent que l'asile naturel d'un cardinal et d'un évêque persécuté était le Vatican. Mais il y a des temps dans lesquels il n'est pas malaisé de prévoir que ce qui devrait servir d'asile peut facilement devenir un lieu d'exil. Je le prévis et je le choisis. Quelque événement que ce choix ait eu, je ne m'en suis jamais repenti, parce qu'il eut pour principe la déférence que je rendis au conseil de ceux à qui j'avais obligation. Je l'estimerais davantage s'il avait été l'effet de ma modération et du désir de m'employer à mon rétablissement par les voies ecclésiastiques. Il ne tint pas aux Espagnols que je ne prisse un autre parti. Aussitôt que M. de Batteville m'eut reconnu pour le cardinal Doré, ce qu'il fit en 8 ou 10 heures, et par les circonstances que je vous ai marquées, et par un secrétaire bordelais qu'il avait, qui m'avait vu à Paris plusieurs fois, il me mena chez lui dans un appartement qui était au plus haut étage, et il m'y tint si couvert que quoique M. le maréchal de Gramont, qui n'était qu'à 3 lieues de Saint-Sébastien, eût donné avis à la cour, par un courrier express, que j'y étais arrivé, il fut trompé lui-même le jour suivant, au point d'en avoir dépêché un autre pour s'en dédire. Je fus 3 semaines dans un lit sans me pouvoir remuer, et le chirurgien du baron de Batteville, qui était fort capable, ne voulut pas entreprendre de me traiter parce qu'il était trop tard. J'avais l'épaule absolument démise, et il me condamna d'être estropié pour tout le reste de ma vie. J'envoyai Boisguérin au roi d'Espagne, auquel j'écrivis, pour le supplier de me permettre de passer par ses états pour aller à Rome. Ce gentilhomme fut reçu de Sa Majesté catholique et de Don Luis de Haro, au-delà de tout ce que je vous en puis exprimer. On le dépêcha dès le lendemain, on lui donna une chaîne de 800 écus, on m'envoya une litière du corps, et l'on m'envoya en diligence Don Cristóbal de Krassenbach, allemand, mais espagnolisé, et secrétaire des langues, très confident de Don Luis. Il n'y a point d'effort que ce secrétaire ne fit pour m'obliger d'aller à Madrid. Je m'en défendis par l'inutilité dont ce voyage serait au service du roi catholique et par l'avantage que mes ennemis en prendraient contre moi. L'on ne comprenait point ces raisons, qui étaient pourtant, comme vous voyez, assez bonnes. Et comme je m'en étonnais, Batteville, qui en présence du secrétaire avait été de son avis, même avec véhémence, me dit « Ce voyage coûterait 50 000 écus au roi et peut-être l'archevêché de Paris à vous. » Il ne serait bon à rien. Et cependant, il faut que je parle comme l'autre, ou je serai brouillé à la cour. Nous agissons sur le pied de Philippe II, qui avait pour maxime d'engager toujours les étrangers par des démonstrations publiques. Vous voyez comme nous l'appliquons. Ainsi, du reste. Cette parole est considérable, et je l'ai moi-même appliquée depuis plus d'une fois, en faisant réflexion sur la conduite du Conseil d'Espagne. Il m'a paru, en plus d'une occasion, qu'il pêche autant par l'attachement trop opiniâtre qu'il a à ses maximes générales, que l'on pêche en France par le mépris que l'on fait et des générales et des particulières. Quand Don Cristóbal vit qu'il ne pouvait pas me persuader d'aller à Madrid, il n'oublia rien pour m'obliger à m'embarquer sur une frégate de Dunkerque, qui était à Saint-Sébastien, et il me fit des offres immenses, en cas que je voulusse aller en Flandre, traiter avec M. le prince et me déclarer avec Mézières, Charleville et le Mont-Olympe. Il avait raison de me proposer ce parti, qui était en effet du service du roi, son maître. Vous avez vu celle que j'eus de ne le pas accepter. Ce qui fut très honnête est que tous mes refus n'empêchèrent pas qu'il ne me fît apporter un petit coffre de velours vert, dans lequel il y avait 40 000 écus en pièces de 4. Je ne crus pas devoir les recevoir, ne faisant rien pour le service du roi catholique, et je m'en excusai sur ce titre avec tout le respect que je devais. Et comme je n'avais ni pour moi, ni pour les miens, ni linge, ni habits, et que les 400 écus que je tirais de la vente de mes sardines furent presque consumés en ce que je donnais aux gens de M. de Batteville, je le priai de me prêter 400 pistoles, dont je lui fis la promesse, et que je lui ai rendue depuis. Après que je me fus un peu rétabli, je partis de Saint-Sébastien et je pris la route de Valence pour m'embarquer à Vivaros, où Don Cristobal me promit que Don Juan d'Autriche, qui était à Barcelone, m'enverrait et une frégate et une galère. Je passai dans une litière du corps du roi d'Espagne, toute la Navarre, sous le nom de marquis de Saint-Florent, et sous la conduite d'un maître d'hôtel de Vatteville, qui disait que j'étais un gentilhomme de Bourgogne, qui allait servir le roi dans le Milanais. Comme j'arrivais à Tudèle, ville assez considérable, qui est au-delà de Pamplune, je trouvais le peuple assez ému. L'on y faisait, la nuit, des feux et des corps de garde. Les laboureurs des environs s'étaient soulevés parce qu'on leur avait défendu la chasse. Ils étaient entrés dans la ville, et ils avaient fait beaucoup de violence, et ils avaient même pillé quelques maisons. Un corps de garde, qui fut posté à 10 heures du soir devant l'hôtellerie dans laquelle je logeais, commença à me donner quelques soupçons que l'on eût pris de moi, mais une litière du roi, avec les muletiers de sa livrée, me rassurait. Je vis entrer dans ma chambre à minuit un certain Don Martin avec une épée fort longue et une grande ronde hache à la main. Il me dit qu'il était le fils du logis et qu'il me venait avertir que le peuple était fort ému, qu'il croyait que j'étais un Français venu pour fomenter la révolte des laboureurs, que l'alcade ne savait lui-même ce qui en était, qu'il était à craindre que la canaille ne prît ce prétexte pour me piller et pour m'égorger, et que le corps de garde, qui était même devant le logis, commençait à murmurer et à s'échauffer. Je priai Don Martin de leur faire voir, sans affectation, la litière du roi, de leur faire parler aux muletiers, de les mettre en conversation avec Don Pedro, maître d'hôtel de M. de Vatteville. Il entra justement dans ma chambre en ce moment pour me dire que c'était des endemoniados qui n'entendaient ni rime ni raison et qu'il l'avait menacé lui-même de le massacrer. Nous passâmes ainsi toute la nuit, ayant pour sérénade une multitude de voix confuses qui chantaient, ou plutôt qui hurlaient des chansons contre les Français. Je crus le lendemain au matin qu'il était à propos de faire voir à ces gens-là, par notre assurance, que nous ne tenions pas pour Français, et je voulus sortir pour aller à la messe, et je trouvai sur le bas de la porte une sentinelle qui me fit rentrer assez promptement en me mettant le bout de son mousquet dans la tête et en me disant qu'il avait ordre de l'alcade de me commander de me tenir dans mon logis. J'envoyai Don Martin à l'alcade pour lui dire qui j'étais, et Don Pedro y alla avec lui. Il vint me trouver en même temps. Il quitta sa baguette à la porte de ma chambre. Il mit un genou à terre, et en m'abordant, il baisa le bas de mon juste corps. Mais il me déclara qu'il ne pouvait me laisser sortir qu'il n'eût ordre du comte de Saint-Esteban, vice-roi de Navarre, qui était à Pamplune. Don Pedro y alla avec un officier de la ville, et il en revint avec beaucoup d'excuses. L'on me donna 50 mousquetaires d'escorte, montés sur des ânes, qui m'accompagnèrent jusqu'à Cortès. Je continuai mon chemin par l'Aragon, et j'arrivai à Saragosse, capitale de ce royaume, grande et belle ville. Je fus surpris au dernier point d'y trouver que tout le monde parlait français dans les rues. Il y en a en effet une infinité, et particulièrement d'artisans qui sont plus affectionnés à l'Espagne que les naturels du pays. Le duc de Montéléon, napolitain, de la maison de Pignatelli, vice-roi d'Aragon, m'envoya, à 3 ou 4 lieues au-devant de moi, un gentilhomme pour me dire qu'il y fût venu lui-même avec toute la noblesse, si le roi son maître ne lui eût commandé d'obéir à l'ordre contraire qu'il savait que je lui en donnerais. Ce compliment, fort honnête, comme vous voyez, fut accompagné de 1000 et 1000 galanteries et de tous les rafraîchissements imaginables que je trouvais à Saragosse. Permettez-moi, s'il vous plaît, de m'y arrêter un peu pour vous rendre compte de quelques circonstances qui me parurent assez curieuses. L'on y trouve, devant que d'entrer dans la ville de ce côté-là, l'Alcazar des anciens rois morts, qui est présentement à l'Inquisition. Il y a auprès une allée d'arbres, dans laquelle je vis un prêtre qui se promenait. Le gentilhomme du vice-roi me dit que ce prêtre était le curé d'Oca, ville très ancienne en Aragon, et que ce curé faisait la quarantaine pour avoir enterré depuis 3 semaines son dernier paroissien, qui était effectivement le dernier des 12 000 personnes mortes de la peste dans sa paroisse. Ce même gentilhomme du vice-roi me fit voir tout ce qu'il y avait de remarquable à Saragosse, toujours sous le nom de marquis de Saint-Florent. Mais il ne fit pas la réflexion que Nuestra Señora del Pilar, qui est un des plus célèbres sanctuaires de toute l'Espagne, ne se pouvait pas voir sous ce titre. L'on ne montre jamais à découvert cette image miraculeuse qu'aux souverains et aux cardinaux. Le marquis de Saint-Florent n'était ni l'un ni l'autre, de sorte que quand on me vit dans le balustre avec un juste corps de velours noir et une cravate, le peuple infini qui était accouru de la ville au son de la cloche, qui ne sonne que pour cette cérémonie, crut que j'étais le roi d'Angleterre. Il y avait, je crois, plus de 200 carrosses de dames qui me firent sans et sans galanterie, auxquelles je ne répondis que comme un homme qui ne parlait pas trop bien espagnol. Cette église est belle en elle-même, mais les ornements et les richesses en sont immenses et le trésor magnifique. L'on m'y montra un homme qui servait à allumer les lampes, qui sont en nombre prodigieux, et l'on me dit qu'on l'y avait vu 7 ans à la porte de cette église avec une seule jambe. Je l'y vis avec 2. Le doyen avec les chanoines m'assurèrent que toute la ville l'avait vu comme eux, et que si je voulais encore attendre 2 jours, je parlerais à plus de 20 000 hommes, même du dehors, qu'il avait vu comme ceux de la ville. Il avait recouvert sa jambe, à ce qu'il disait, en se frottant de l'huile de ses lampes. L'on célèbre tous les ans la fête de ce miracle avec un concours incroyable, et il est vrai qu'encore à une journée de Saragosse, je trouvais les grands chemins couverts de gens de toutes sortes de qualités qui y couraient. J'entrai de l'Aragon dans le royaume de Valence, qui se peut dire non pas seulement le pays le plus saint, mais encore le plus beau jardin du monde. Les grenadiers, les orangers, les limonadiers y font les palissades des grands chemins. Les plus belles et les plus claires eaux du monde leur servent de canaux. Toute la campagne, qui est émaillée d'un million de différentes fleurs qui flattent la vue, y exhale un million d'odeurs différentes qui charment l'odorat. J'arrivai ainsi à Vivaros, où Don Fernand Carrillo Quatralbe Zuatra, général des galères de Naples, me joignit, le lendemain, avec la patronne de cette escadre, belle et excellente galère, et renforcée de la meilleure partie de la chourme et de la soldatesque de la capitane, que l'on avait presque désarmée pour cet effet. Don Fernand me rendit une lettre de Don Juan d'Autriche, aussi belle et aussi galante que j'en ai jamais vue. Il me donnait le choix de cette galère ou d'une frégate de Dunkerque, qui était à la même plage et qui était montée de 36 pièces de canon. Celle-ci était plus sûre pour passer le golfe de Lyon, dans une saison aussi avancée, car nous étions dans le mois d'octobre. Je choisis la galère, et vous verrez que je n'en fis pas mieux. Don Cristobal de Cardone, chevalier de Saint-Jacques, arriva à Vivaros, un quart d'heure après Don Fernand Carrillo, et il me dit que M. le duc de Montalte, vice-roi de Valence, l'avait envoyé pour m'offrir tout ce qui dépendait de lui, qu'il savait que j'avais refusé ce que le roi catholique m'avait offert à Saint-Sébastien, qu'il n'osait, par cette raison, me presser de recevoir ce que le Paglois des galères avait ordre de m'apporter, mais que comme il savait que la précipitation de mon voyage ne m'avait pas permis de me charger de beaucoup d'argent, que j'étais fort libéral et que je ne serais pas fâché de faire quelque régal à la chiourme, il espérait que je ne refuserais pas quelque petit rafraîchissement pour elle. Ce rafraîchissement consistait en 6 grandes caisses pleines de toutes sortes de confitures de Valence, de 12 douzaines de paires de gants d'Espagne, exquis, et d'une bourse de 100 heures dans laquelle il y avait 2 000 pièces d'or, fabrique des Indes, qui revenaient à 2 200 ou 300 pistoles. Je reçus le présent sans en faire aucune difficulté, en lui répondant que, comme je ne me trouvais pas en état de servir Sa Majesté catholique, je croyais que je manquerais mon devoir, en toute manière, si je recevais les grandes sommes qu'elle avait eu la bonté de me faire apporter à Saint-Sébastien et offrir à Vivaros, mais que je croirais aussi manquer au respect que je devais à un aussi grand monarque si je n'acceptais le dernier présent dont il lui plaisait de m'honorer. Je le reçus donc, mais je donnai, avant que de m'embarquer, les confitures au capitaine de la galère, les gants à Don Fernand et l'or à Don Pedro pour Monsieur le baron de Watteville, en lui écrivant que, comme il m'avait dit plusieurs fois qu'il était assez embarrassé à cause de l'extrême dépense qui était nécessaire pour faire achever l'amiral des Indes d'Occident qu'il faisait construire à Saint-Sébastien, je lui envoyais un petit grain pour soulager son mal de tête, c'est ainsi qu'il appelait le chagrin, que la fabrique de ce vaisseau lui donnait. Ma manière d'agir en ce rencontre fut un peu outrée. J'eus raison de donner les rafraîchissements de victuailles au capitaine. Il était indifférent de retenir les gants d'Espagne ou de les donner à Don Fernand. Il eût été de la bonne conduite de retenir les 2000 et tant de pistoles. Les Espagnols ne me l'ont jamais pardonné, et ils ont toujours attribué à mon aversion pour leur nation ce qui n'était en moi, dans la vérité, qu'une suite de la profession que j'ai toujours faite de ne prendre de l'argent de personne. Je m'embarquai à la seconde garde de la nuit avec un gros temps, mais qui ne nous incommodait pas beaucoup, parce que nous avions le vent en poupe. Nous faisions 15 000 par heure et nous arrivâmes, le lendemain, devant le jour, à Majorque. Comme il y avait de la peste en Aragon, tout ce qui venait de la côte d'Espagne était conduit à Majorque. Il y eut beaucoup d'allées et de venues pour nous faire donner pratique, à laquelle le magistrat de la ville s'opposait avec vigueur. Le vice-roi, qui n'est pas à beaucoup près si absolu en cette île que dans les autres royaumes d'Espagne, et qui avait reçu ordre du roi son maître de me faire toutes les honnêtetés possibles, fit tant, par ses instances, que l'on me permit à moi et aux miens d'entrer dans la ville, à condition de n'y point coucher. Cela vous paraît sans doute extravagant, parce que l'on porte le mauvais air dans une ville quoique l'on n'y couche pas. Je le dis l'après-dîner à un cavalier majorquin, qui me répondit ses propres paroles que je remarque, parce qu'elles peuvent s'appliquer en 1000 rencontres que l'on fait dans la vie. Nous ne craignons pas que vous nous apportiez du mauvais air, parce que nous savons bien que vous n'êtes pas passé à Oka. Mais comme vous en êtes approché, nous sommes bien aises de faire en votre personne un exemple qui ne vous incommode point et qui nous accommode pour les suites. Cela en espagnol est plus substantiel et même plus galant qu'en français. Le vice-roi, qui était un comte aragonais dont j'ai oublié le nom, me vint prendre sur la rade avec 100 ou 120 carrosses pleins de noblesse et la mieux faite qui soit en Espagne. Il me mena au Léo, on appelle ainsi les cathédrales en ce pays-là, où je vis 30 ou 40 femmes de qualité, plus belles les unes que les autres, et ce qui est de merveilleux, c'est qu'il n'y en a point de laides dans toute l'île, au moins elles y sont très rares. Ce sont pour la plupart des beautés fort délicates et des teints de lis et de rose. Les femmes du bas peuple que l'on voit dans les rues sont de cette espèce. Elles ont une coiffure particulière qui est fort jolie. Le vice-roi me donna un magnifique dîner dans une superbe tente de brocart d'or qu'il avait fait élever sur le bord de la mer. Il me mena après entendre une musique dans un couvent de filles qui ne cédait pas en beauté aux dames de la ville. Elles chantèrent à la grille, à l'honneur de leur saint, des airs et des paroles plus galantes et plus passionnées que ne le sont les chansons de Lambert. Nous allâmes nous promener sous le soir aux environs de la ville, qui sont les plus beaux du monde et tout pareils aux campagnes du royaume de Valence. Nous revînmes chez la vice-reine, qui était plus laide qu'un démon, et qui, étant assise sous un grand dais et toute brillante de pierreries, donnait un merveilleux lustre à 60 dames qui étaient auprès d'elle, et qui avaient été choisies entre les plus belles de la ville. L'on me ramena avec 50 flambeaux de cire blanche dans la galère, au son de toute l'artillerie des bastions, et d'une infinité de hautbois et de trompettes. J'employai à ces divertissements les 3 jours que le mauvais temps m'obligea de passer à Majorque. J'en partis le 4 avec un vent frais en poupe. Je fis 50 grandes lieues en 12 heures, et j'entrai fort heureusement, avant la nuit, au port Mahon, qui est le plus beau de la Méditerranée. Son embouchure est fort étroite, et je ne crois pas que 2 galères à la fois y puissent passer en voguant. Il s'élargit tout d'un coup et fait un bassin houblon, qui a une grande demi-lieue de large et une bonne lieue de long. Une grande montagne, qui l'environne de tous côtés, fait un théâtre qui, par la multitude et la hauteur des arbres dont elle est couverte, et par les ruisseaux qu'elle jette avec une abondance prodigieuse, ouvre 1000 et 1000 scènes sans exagération plus surprenante que celle de l'opéra. Cette même montagne, ses arbres, ses rochers, couvrent le port de tous les vents, et dans les plus grandes tempêtes, il est toujours aussi calme qu'un bassin de fontaine et aussi uni qu'une glace. Il est partout d'une égale profondeur, et les galions des Indes y donnent fond à 4 pas de terre. Véritablement, pour comble de toute perfection, ce port est dans l'île de Minorque, qui donne encore plus de chair et de toutes sortes de victuailles nécessaires à la navigation que celle de Majorque ne produit de grenades, d'oranges et de limons. Le temps grossit extrêmement après que nous fûmes entrés dans le port, et au point que nous fûmes obligés d'y demeurer 4 jours. Nous en fîmes pourtant 4 partances, mais le vent nous refusa toujours. Don Fernand Carillo, qui était homme de qualité, jeune de 24 ans, fort honnête et fort civil, chercha à me donner tous les divertissements que l'on pouvait trouver en ce beau lieu. La chasse y était la plus belle du monde en toutes sortes de gibiers, et la pêche en profusion. En voici une manière qui est particulière, ce me semble, à ce port. Il prit 100 Turcs de la chiourme, il les mit de rang, il leur fit tenir à tous un câble d'une prodigieuse grosseur, et fit tomber 4 de ses esclaves, qui attachèrent ce câble à une fort grosse pierre, et la tirèrent après à force de bras, avec leurs compagnons, au bord de l'eau. Ils n'y réussirent qu'après des efforts incroyables, et ils n'eurent guère moins de peine à casser cette pierre à coups de marteau. Ils trouvèrent dedans 7 ou 8 écailles, moindres que des huîtres en grandeur, mais d'un goût sans comparaison plus relevé. L'on les fit cuire dans leur eau et le manger en est délicieux. Le temps s'étant adouci, nous fîmes voile pour passer le golfe de Lyon, qui commence en cet endroit. Il a 100 lieues de long et 40 de large, et il est extrêmement dangereux, tant à cause des montagnes de sable que l'on prétend qu'il élève et qu'il roule quelquefois, que parce qu'il n'y a point de port souvent. La côte de Barbarie, qui le borne d'un côté, n'est pas abordable. Celle de Languedoc, qui le joint à l'autre, est très mauvaise. Enfin, le trajet n'est pas agréable pour les galères, pour peu que la saison soit avancée, et elle l'était beaucoup, car nous étions fort proches de la Toussaint, qu'il fait toujours à la mer de grands coups de vent. Don Fernand Carillo, qui était un des hommes d'Espagne les plus aventuriers, m'avoua qu'une médiocre frégate eût été meilleure, en se rencontre, que la plus forte galère. Il se trouva par l'événement que la moindre felouque eût été aussi bonne que la meilleure frégate. Nous passâmes le golfe en 36 heures, avec le plus beau temps du monde, et avec un vent qui, ne laissant pas de nous servir, ne nous obligeait presque pas à mettre sur les bougies de la chambre de poupe ces lanternes de verre dont on les couvre. Nous entrâmes ainsi dans le canal, qui est entre la Corse et la Sardaigne. Don Fernand Carillo, qui vit quelques nuages qui lui faisaient appréhender changement de temps, me proposa de donner fond à Porto Conde, qui est un port déshabité dans la Sardaigne, ce que j'agréai. Son appréhension s'étant évanouie avec les nuages, il changea d'avis pour ne pas perdre le beau temps, et ce fut un grand bonheur pour moi, car M. de Guise, qui allait à Naples sur l'armée navale de France, était mouillé à Porto Conde avec 6 galères. Don Fernand Carillo, qui le sut 2 jours après, me dit qu'il se fut moqué de ces 6 galères parce que la sienne, qui avait 450 hommes de chiourme, se fut aisément tirée d'affaire. Mais c'eût toujours été une affaire dont un homme qui se sauve de prison se passe encore plus facilement qu'un autre. La forteresse de Saint-Boniface, qui est en Corse et aux Génois, tira 4 coups de canon en nous voyant, et comme nous en passions trop loin pour en être salués, nous jugeâmes qu'elle nous faisait quelque signal, et il était vrai, car elle nous avertissait qu'il y avait des ennemis à Porto Conde. Nous ne le prîmes pas ainsi, et nous crûmes qu'elle ne voulait faire connaître qu'une petite frégate que nous voyions devant nous au sortir du canal était turque, comme elle en avait le garbe. Don Fernand prit fantaisie de l'attaquer, et il me dit qu'il me donnerait, si je lui permettais, le plaisir d'un combat qui ne durerait qu'un quart d'heure. Il commanda que l'on donnât chasse à la frégate, qui paraissait effectivement faire force de voile pour s'enfuir. Le pilote, qui n'avait d'attention qu'à cette frégate, en manqua pour un banc de sable qui ne paraissait pas véritablement au-dessus de l'eau, mais qui est si connu qu'il est même marqué dans les cartes marines. La galère toucha. Comme il n'y a rien à la mer de si dangereux, tout le monde cria « Miséricordia !» Toute la chiourme se leva pour essayer de se déferrer et de se jeter à la nage. Don Fernand Carillo, qui jouait au piquet avec Joly dans la chambre de poupe, me jeta la première épée qu'il trouva devant lui. Tous les officiers et la soldatesque firent la même chose, parce qu'ils appréhendaient que la chiourme, où il y avait beaucoup de Turcs, ne relevasse la galère, c'est-à-dire qu'ils ne s'en rendissent les maîtres, comme il est arrivé quelquefois en de semblables occasions. Quand tout le monde se fut remis en place, il me dit de l'air du monde le plus froid et le plus assuré « J'ai ordre, monsieur, de vous mettre en sûreté. Voilà mon premier soin. Il faut y pourvoir. Je verrai après si la galère est blessée. » En proférant cette dernière parole, il me fit prendre à foi de corps par 4 esclaves et il me fit porter dans la felouque. Il mit avec moi 30 mousquetaires espagnols, auxquels il commanda de me mener sur un petit écueil qui paraissait à 50 pas de là, et où il n'y avait place que pour 4 à 5 personnes. Les mousquetaires étaient dans l'eau jusqu'à la ceinture. Ils me firent pitié, et quand je vis que la galère n'était pas blessée, je les y voulus renvoyer. Mais ils me dirent que si les Corses, qui étaient sur le rivage, me voyaient sans une bonne escorte, ils ne manqueraient pas de venir me piller et égorger. Ces barbares s'imaginent que tout ce qui fait naufrage est à eux. La galère ne fut pas blessée, ce qui fut une manière de prodige. L'on ne laissa pas d'être plus de 2 heures à la relever. La felouque me vint reprendre et je remontai sur la galère. Comme nous sortions du canal, nous aperçûmes encore la frégate qui, voyant que la galère ne la suivait plus, avait repris sa route. Nous lui donnâmes chasse, elle la prit. Nous la joignîmes en moins de 2 heures, et nous trouvâmes en effet qu'elle était turquesque, mais entre les mains des Génois qu'il avait pris sur les Turcs et qu'il avait armé. Je fus, pour vous dire vrai, très aise que l'aventure se fût terminée ainsi. Cette guerre ne me plaisait pas, elle n'était pas grande, mais une égratignure qui me fut arrivée l'eût pu rendre ridicule. Don Fernand Carillo, qui était un jeune homme fort brave, la proposa, et je n'eus pas la force de la lui refuser, quoique je visse bien que c'était une imprudence. Le temps se chargeant un peu, l'on crut qu'il était à propos d'entrer dans Porto Vecchio, qui est un port déshabité de la Corsaigne. Un trompette du gouverneur génois d'un fort qui en est assez proche va nous avertir, de la part de son capitaine, que M. de Guise était avec 6 galères de France à Porto Conde, qu'apparemment il nous avait vu passer, et qu'il pourrait nous venir surprendre la même nuit sur le fer. Nous résolûmes de nous remettre à la mer, quoique le temps commençât à être fort gros, et qu'il y eut même quelque péril à sortir la nuit de Porto Vecchio, parce qu'il a, à sa bouche, un écueil de rocher qui jette un courant assez fâcheux. La bourrasque augmenta avec la lune, et nous eûmes une des plus grandes tempêtes qui se soit peut-être jamais vue à la mer. Le pilote royal des galères de Naples, qui était sur notre galère, et qui naviguait depuis 50 ans, disait qu'il n'avait jamais rien vu de pareil. Tout le monde était en prière, tout le monde se confessait, et il n'y eut que Don Fernand Carillo qui communiait tous les jours quand il était à terre et qui était d'une piété angélique. Il n'y eut, dis-je, que lui, qui ne se jeta point aux pieds des prêtres avec empressement. Il laissait faire les autres, mais il ne fit rien en son particulier, et il me dit à l'oreille « Je crains bien que toutes ces confessions, que la seule peur produit, ne vaillent rien. » Il demeura toujours sur le tabernacle, donnant ses ordres avec une froideur admirable, et en donnant du courage, mais doucement et honnêtement, un vieux soldat des terres de Naples, qui faisait paraître un peu d'étonnement, je me souviens toujours qu'il les appela Signores Soldatos de Carlos Quinto. Le capitaine particulier de la galère, qui s'appelait Villomès, se fit apporter au plus fort du danger ses manches en broderie et son écharpe rouge, en disant qu'un véritable Espagnol devait mourir avec la marque de son roi. Il se mit dans un grand fauteuil, et il donna un coup de pied dans la mâchoire à un pauvre Napolitain, qui, ne pouvant se tenir sur le coursier, marchait à 4 pattes en criant « Señor Don Fernando, por la mort de Dios, confession !» Le capitaine, en le frappant, lui dit « Enemigo de Dios, piedes, confession !» Et comme je lui représentais que la preuve n'était pas bonne, il me répondit que ce vieillard scandalisait toute la galère. Vous ne pouvez vous imaginer l'horreur d'une grande tempête. Vous vous en pouvez imaginer aussi peu le ridicule. En observant un Sicilien prêché au pied de l'arbre que saint François lui avait apparu, elle avait assuré que nous ne péririons pas. Ça ne serait jamais fait si j'entreprenais de vous décrire les frayeurs et les impertinences que l'on voit en ces rencontres. Le grand péril ne dura que 7 heures. Nous nous mîmes ensuite un peu à couvert sous la pianouse. Le temps s'adoucit et nous gagnâmes à Porto Longone. Nous y passâmes la Toussaint et la fête des morts, parce que le vent nous était contraire pour sortir du port. Le gouverneur espagnol m'y fit toutes les honnêtetés imaginables, et comme il vit que le mauvais temps continuait, il me conseilla d'aller voir Porto Ferrare, qui est dans l'île d'Elbe aussi bien que Porto Longone. Il n'y a que 5 milles de l'un à l'autre par terre, et j'y allais à cheval. Je vous ai tantôt dit qu'il n'y a rien de si agréable, dans le théâtre rustique de l'opéra, que la scène du port Mahon. Et je vous puis dire maintenant, avec autant de vérité, qu'il n'y a rien de si pompeux dans les représentations les plus magnifiques que vous en avez vues que tout ce qui paraît de cette place. Il faudrait être homme de guerre pour vous la décrire, et je me contenterai de vous dire que sa force passe sa magnificence. Elle est l'unique imprenable qui soit au monde, et le maréchal de la Meilleraie en convenait. Il l'alla visiter après qu'il eut pris Porto Longone, dans le temps de la Régence. Et comme il était impétueux, il dit au commandeur Grifoni, qui commandait pour le grand-duc, que la fortification était bonne, mais que si le roi son maître lui commandait de l'attaquer, il lui en rendait bon compte en 6 semaines. Le commandeur Grifoni lui répondit que son excellence prenait un trop long terme, et que le grand-duc était si fort serviteur du roi qu'il ne faudrait qu'un moment. Le maréchal eut honte de son emportement, ou plutôt de sa brutalité, et la répara en disant « Vous êtes un galant homme, monsieur le commandeur, et je suis un sot. Je confesse que votre place est imprenable. » Le maréchal me fit ce compte à Nantes, et le commandeur me le confirma à Porto Ferrare, où il commandait encore quand j'y passais. le vent nous ayant permis de sortir de Porto Longone, nous prîmes terre à Piombino, qui est dans la côte de Toscane. Je quittai dans ce lieu la galère, après avoir donné aux officiers, aux soldats et à la chiourme tout ce qui me restait d'argent, sans excepter la chaîne d'or que le roi d'Espagne avait donnée à Boisguérin. Je la lui achetai, et je la revendis au facteur du prince Ludovisio, qui est prince de Piombino. Je ne me réservai que 9 pistoles, que je crus me pouvoir mener jusqu'à Florence. Je suis obligé de dire, pour la vérité, que jamais gens ne méritèrent mieux des gratifications que ceux qui étaient sur cette galère. Leur discrétion à mon égard n'a peut-être jamais eu d'exemple. Ils étaient plus de 600 hommes, dont il n'y en avait pas un qui ne me connût. Il n'y en eut jamais un seul qui en donna seulement, ni à moi, ni à aucun autre, de démonstration. Leur reconnaissance fut égale à leur discrétion. Celle que je leur avais témoignée de leur honnêteté les toucha tellement qu'ils pleuraient tous quand je les quittais pour prendre terre à Piombino. C'est où je termine la seconde partie de mon histoire, parce que ce fut proprement le lieu où je recouvrais ma liberté, laquelle, jusque-là, avait été hasardée par beaucoup d'aventures. Je vais travailler au reste du conte que je vous dois de ma vie et qui en contiendra la troisième et dernière partie.